Vendredi 14 septembre, 13h30, Noël Le Black. Pendant qu'Aboul Rêveur me parle, Noël Le Black s'est assise à l'autre table, celle de devant. Noël est un grand jeune homme, noir d'ébène, plus noir encore qu'Abou. Plus d'1m90. Je dirais bien 2m et quelques tout dépliés. Il est mince, élancé et bien éveillé. Depuis que je le vois dans la cour, il est toujours avec les uns, avec les autres. Les bons comme les méchants. Souvent, je le vois avec Yacine Le Corse, à discuter et à fumer ensemble. J'apprends, par la suite, qu'ils partagent la même cellule. Toujours dans les mauvais coups et peut-être, parfois, dans les bons. Là, il s'est assis pas loin de moi et tout seul. Il a devant lui un damier, ou plutôt un échiquier sur lequel il pose des bouts de papier qui s'envolent avec le vent. Je l'interpelle. C'est quoi comme jeu? C'est les échecs. J'apprends, me dit-il, on m'a donné les règles. Il me montre un bout de feuille, qu'il tente de déchiffrer. Je m'approche. Les échecs je connais un peu. Tu sais y jouer, me demande-t-il, moi j'apprends. Tu veux qu'on fasse une partie? Voilà, c'est ainsi que le club d'échecs du deuxième Nord fut fondé, ou à peu près comme ça. Noël connaît à peine les règles. Mais c'est pas grave, je lui apprendrai. Les pions et les pièces par contre, ça ne va pas, des bouts de carton gris pour les noirs et du papier pour les blancs, sur lesquels il a écrit, F, D, C, T, et P. C'est pas l'idéal. Surtout qu'avec le vent, il faut poser dessus des petits cailloux pour pas que ça s'envole, alors, forcément, on peut même plus savoir de quelles pièces il s'agit. Le plateau lui, c'est-à-dire l'échiquier, est nickel chrome. Un bout de toile cirée où sont tracées à l'encre verte le cadre, et les cases. Un travail de professionnel. Noël me dit qu'il l'a dessiné lui-même, lorsqu'il était en maison d'arrêt à Grasse. Les Baumettes sont sa troisième prison. La pire de toutes, à ce qu'il me dit. Il est condamné pour diverses affaires, me confie-t-il, pour des histoires de coqs, qui l'ont entraîné trop loin. C'est un garçon qui a une éducation certaine, ça s'entend à son parler, et ça se voit dans ses manières. Il me précise bien cependant qu'il n'est pas un pointeur. S'il est dans le quartier des isolés, c'est parce qu'il s'est battu quand il était au quatrième, et qu'on l'a mis ici pour sa sécurité. Naturellement, je ne lui parle en rien de mon affaire, ou seulement pas grand-chose. Le minimum de mensonges qu'il faut. Je lui propose que nous remplacions les bouts de papier par des figurines en plastique. Du plastique, ici, dans le passage qui mène du bâtiment au cours, ça ne manque pas. On n'aura qu'à récupérer des capsules de bouteilles, qui en bleu, qui en blanc. Avec, on pourra constituer un jeu qui ressemblera à quelque chose. Il me promet de redescendre cet après-midi. Entre-temps, charge à chacun de récupérer des bouchons au passage. Voilà une entreprise, enfin, qui me motive. J'ai une bonne raison de descendre tout à l'heure.